Vous êtes dans la zone 89.1. Siphon dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan aujourd'hui à Assemblage requis. On travaillera fort pour vous apprendre des choses avec notre segment éducatif, c'est un fait. On établira des listes sur des sujets précis dans son foutu palmarès et Jean-Philippe devra deviner le lien entre trois pièces. Alors, écoutons la dans la chanson. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 14 juin. Ah! Avril! Oui, ouvre le star, ça va remettre dans le mood de la pluie. Et oui, qu'on n'est clairement pas en juin. Tellement pas. Donc, 14 avril 2014. Bienvenue à Assemblage requis, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, passez une belle fin de semaine. Oui, Mathieu. Yes, même avec la pluie. Oui, même avec la pluie. Et le froid. Il a fait beau samedi. Ah, oh! Ah ouais? Ouais. Comme ça passer, hein, ah ouais? Non, ah ouais. Ça passe comme dans le vent. Apparemment, il va faire comme 20 quelques dans les prochains jours, ouais. Ah, c'est super. Ça se peut pas, parce que ça va revenir à moins 32. Ah ouais? Drôle de semaine, c'est comme ça, un entre-deux. L'entre-deux. Une période de transition. L'entre-deux temp, c'est température. Ouais. Temp, comme temp. Du tempura. Là. Oui, exactement, l'entre-deux tempura. Oh, miam, c'est tout croustillant dans l'entre-deux. Hey, la semaine passée, on a fait plein de blagues de fesses. Je sais pas si t'as foufoune. De foufoune. Faudrait arrêter ça cette semaine parce qu'on va avoir l'air d'une gang de dépravés. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Géry, quand t'as dit foufoune. Foufoune. Eh ben, maintenant, tu vas dire ça tous les jours. Foufoune. Pour plaire aux gens. Oui, c'est ça. C'est ce que l'acclamation populaire demande. Ben, c'est ça. Les gens m'arrachent les vêtements et disent « Dis foufoune! Dis foufoune! » Bon. Donc, aujourd'hui, émission Jean-Philippe, on va pas parler de foufoune. Ça, non, c'est demain. À ça sera demain. C'est à moi. Aujourd'hui, c'est la journée du C'est un fait, le lundi. Génial. Donc, on a deux parties de C'est un fait tantôt. Deux parties. Oh yeah. après ça, on aura son foutu palmarès où on va établir des listes sur des sujets précis. Par exemple, les prédécesseurs de la toilette. OK. On a ça. On a des publicités qui nous disaient comment ou pourquoi aller sur Internet en ligne dans les années 90. Mm-hmm. Fait convaincre les gens d'y aller. Pour empêcher les autres de téléphoner. Oui, genre. C'est ça, exactement. on va parler de vieilles stations, de stations d'essence, stations-service, toutes les choses qu'on ne retrouve plus dans les stations-service. OK. C'est intéressant, ça. J'ai vraiment aimé lire cet article-là. On en parle tantôt. Et le palmarès, si on veut, de 11 éditions spéciales du Monopoly. À la place d'avoir des endroits comme des rues, des trucs comme ça dans certaines éditions, mais il y a des affaires, il y a d'autres affaires. Il faut l'adapter pour les différentes versions spéciales. Donc, on en parlera dans son foutu palmarès. Et à la toute fin, notre bloc musical quiz. Écoutons la chanson. Où je devrais travailler très fort. Ouais. Il-la-la. Je t'ai mis un indice sur le site, mais regarde pas, c'est marqué. Oh, c'est marqué. Note à moi-même. No, no GP allowed. Ah oui, c'est marqué ça. C'est marqué ça, no GP allowed. Ah ben oui, ok, je vois ça. Tu parfait. Vois ça? Oui. Qu'on clique pas là-dessus. Là. Ah. C'est tentant. Oh. Ouch. Tout pour le sketch. Est-ce que ça a marché? Je sais pas vraiment. Ah, mais je l'entends pas vraiment. Bon, pas plus. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Ça fait clic-clic. Imagine dans votre tête un clic-clic. Oui. Dans votre tête, hein? Dans votre tête. Dans votre tête. Oui, c'est nouveau. Le nouveau Larousse le dit. On peut dire ça. Ouais, le nouveau Larousse lundi. Oui. C'est la version où on dit n'importe quoi pendant la première demi-heure. Le temps de se réveiller. D'ailleurs, tiens, je regarde ça. La première chanson qu'on s'en va entendre, c'est celle de Hôtel Morphée. OK. Ces derniers jours. Et là, c'est pas le dernier jour de l'émission aujourd'hui. Non. Parce qu'on n'est pas du genre à compter le nombre d'émissions qui restent. Si on comptait, il en resterait 10, exactement. Oui, mais on ça compte serait pas. L'avant-dernier lundi, puisque la semaine prochaine, c'est Pâques. C'est Pâques. Fait qu'on, on compte on pas. Compte pas. Non, non. Si c'était vrai. Et si c'était la fin de tous nos décombres, est-ce qu'on attendrait? Si c'était la fin du monde, si on passait à autre chose.

Avec 4000 hectares de blé prêts à faire la moisson et tout ça, lorsque le quota a été mis en place, il leur permettant de seulement vendre 40 hectares après avoir rempli un paquet de paperasse et des trucs bureaucratiques, ce qui menait à rien. Cassie et ses associés sont allés voir la loi internationale qui leur permettait de déclarer l'indépendance du Commonwealth de l'Australie, même s'ils restent loyaux à la reine Elisabeth II, donc ils étaient quand même sous la reine Elisabeth II. Casey s'appelle maintenant His Majesty Leonard I, the First of Hutt. Donc, c'était évidemment, il n'était pas prince pour vrai, mais vu qu'il a son propre pays, il a pu se nommer lui-même Prince, Sa Majesté. Donc, il a officiellement déclaré la guerre contre l'Australie après que le Australian Taxation Office a demandé des impôts de la part de la province, évidemment, de l'endroit, en 1977. C'est une manœuvre légale pour essayer de lui faire changer d'idée, j'imagine. Les résidents aujourd'hui donc ont toujours des formulaires à remplir par rapport aux impôts, mais sont classés comme des non-résidents d'Australie. Donc leur argent, leur salaire est exempt de la taxe australienne et ils n'ont pas à payer ça en ce moment. Donc cette principalité-là, même si elle a sa propre capitale, sa propre argent et tout, même sur leur propre Bill of Rights, la Charte des droits et libertés, bon. Ils ont seulement 23 résidents en tant que tels. Bon. Sa principalité. Là. Ils ont-tu des services? Ils payent pas ils payent pas rien? Je sais pas. Ah! Oh. Ben. 23 résidents. 23. Ouais. C'est un petit dépanneur quelque part là-dedans. Ben, j'aimerais ça, tu sais, savoir. À un moment donné, tu sais, cette histoire-là, ce qui s'est passé dans sa tête là, à ce moment-là. T'sais. Ah ouais. Bon, non, je suis tanné de payer des impôts. Je suis pas mon pays. Ça va être facile. Comment ça fait que le Québec n'a pas encore fait cette affaire-là? Déniaisez-vous. Je pense pas du tout. Alors voilà pour cet effet. Ouais, méchant long, c'est un fait, ça? Même pas pris à pause de 8 heures. Hey, même pas. Même c'est pas. Vrai? Tu peux-tu? Hey, wow. On prend la pause à la même heure à tous les jours, puis aujourd'hui, j'ai pas pris la pause. Mais bon. Donc, c'est pas grave, on va aller la prendre là. On va faire les choses différemment. C'est ça, puis après ça, on fera son foutu palmarès, puis on écoute de la musique ensemble. Okay? Parfait. C'est l'assemblagerie. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Hey, bonjour, c'est toujours Assemblage requis. On se le dit 14 avril 2014. Il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. On n'est pas en juin. Pas du tout. Non, on n'est pas en mai. Non plus. On est en avril, le mois plat. En fait, le mois correct. C'est le mois correct. Il commence à faire chaud. Ben, c'est ça. Février, c'était pire. Ben, c'est ça. Tu sais, on faut que juillet sera mieux. Ben oui. Et voilà. Donc, sur ces pertinences, sur la météo. Ben oui, incroyable. Hein? On sera au trafic. Trois dans le centre-ville de Trois-Rivières. sur le campus. Oh. La météo du campus, ça pourrait être drôle. Ben oui. Ouais. Il fait 7 sur la passerelle. On est comme un microcosme. On est comme une micro-communauté. On pourrait se partir de notre propre pays. Oui. Se séparer de l'Australie, enfin. Oui. Tout à l'heure, son foutu palmarès a avancé. On a créé un monstre. Là, c'est inacceptable, une chanson qui finit vite demain. Voyons. Ah, voyons. C'est ça, sans avertir. On dansait, tout ça, on était dedans, on était debout sur la table, tout ça. Ben oui. J'ai eu juste le temps de remettre ma chemise. C'est ça. C'est ce qu'il dit, en tout cas, à la radio. Ben oui. Ah, on sait pas, il n'y a pas de caméra. Tada! Donc, Jean-Philippe, tu as vécu une belle fête de semaine, toi? Oui, oui, Mathieu. Ouais. Je suis allé à Montréal. Montréal, MTL. Oui, voir un match de l'Impact. Versus Chicago. Match de soccer. OK. Dans le grand stade olympique. Je t'ai vu avec un gros ballon. Ouais. Ouais, ben ça, c'est le après, là. On est allé au danse. Non, c'est ça. C'est le gros ballon qu'ils mettent en plein milieu du terrain, oui. Au début, pour dire que c'est commandité par un commanditaire. OK. Mm-hmm. Et puis, oui, c'est ça. Écoute, il est arrivé des faits cocasses. Narade. Ben oui, je te jure. C'est pas du genre à avoir des mésaventures ou des péripéties de JP, comme on pourrait dire. Ben, peut-être. Mais c'est pas mes péripéties, mais je les ai vécues via le vendeur de bière. Par la bande. Tu sais, on s'installe dans les gradins. Premièrement, on a dû marcher potentiellement au moins 20 km parce que notre entrée, on est rentré par la porte principale du stade olympique. Et puis, on était vraiment à l'autre bout. Ben, tu sais, c'est pas grave, là. C'est juste très grand, le stade olympique. Je m'en souvenais plus comment c'était grand. Et puis, c'est ça, on s'installe sur les gradins. Bon, là, on fait, bon, on va prendre une bonne bière, tu sais, on écoute un bon match de soccer. Et puis, le vendeur était tellement drôle, mais sans le vouloir. En fait, il était pas très drôle, il était juste bizarre. OK. Mais on l'a tourné en drôle. Mais la première fois qu'il vient nous voir, il fait, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben. Ça dépend. Tu sais, c'est quoi que t'as dans tes mains? Tu sais, il y a juste un plateau de bière. Là. Fait que là, il dit, OK, bon, mettons, je dis, je veux 3 bières. Lui, il en paye 2. Moi, je vais t'en payer 1. Donc, mon ami en paye 2. Puis là, moi, j'y tends un 10$ pour acheter une bière. Puis il dit, ben là, pourquoi tu me donnes 10$? Comme payer, ça, là. Ouais, ouais. Sec de même. C'est combien de bière? C'est 9,50. C'est 7,50. C'est ça, OK. Ouais, 7,50. Mais je me rends compte qu'elle n'est pas si drôle que ça. En la comptant. Mais c'est parce que c'était ça le punch. OK! Faut m'avertir quand le punch est arrivé, ouais. Pour que je puisse réagir. Mais, oui, façon, OK, je m'excuse. Mais tu sais, il y avait des réactions un peu bizarres. Ce petit vendeur de bière-là. Puis à un moment donné, il s'est confessé, là, justement, après qu'on ait acheté. Parce qu'on était 4, là, donc. on a acheté 4 bières au total. Puis là, il fait. Là, pour de vrai, là, c'est la dernière fois que je passe. Là, après ça, moi, je reviens plus. Là, on imaginait juste tout crisser là vraiment, là, puis dire à son boss, là, pour de vrai, là, c'est trop. Ça donc, j'en peux plus. Les gars, là-bas, ils arrêtent pas de me demander de la bière. Tu prennes pour qui? Ben oui, c'est ça. Tu penses que je suis qui, moi? T'sais, ouais. Mais sais-tu pas qui je suis? Je suis le prince Louis-Georges Ier. Oui, c'est ça. J'ai séparé de l'Australie. Le stade m'appartient. Mais non, mais c'est ça. Je pense qu'il était à bout, là. Il était tanné. C'était pas sa journée. Non, peut-être pas. Pauvre gars. Peut-être pas. Mais tu sais, lui, il se promenait quand même avec un rack bien rempli de bières. T'sais, peut-être une vingtaine de bières au total. Et puis, juste après lui. Il y a un gars qui se promenait, puis il avait vraiment chaud. Ils ont des chandails rouges. Ouais. Faut qu'ils soient bien visibles. Puis le gars, tu vois, il y avait des gros spots de sueur partout. Puis il se promenait avec juste un Coke. Non! Il était là. Coke! Coke! Mais tu sais, le gars, il était très, très, très louche. Là. Pour de vrai, je pense qu'il a jamais vendu son Coke. Tout le monde était comme des sortes de ouge. Moi aussi, j'en ai un polo rouge qui pourrait peut-être fûter comme ça. Wow. Est-ce que tu as acheté d'autres choses? Est-ce que tu as mangé quelque chose là-bas? Non, j'ai même pas. Je voulais manger un bon hot dog. À 8 et 12. 8 et ouais, 25. C'est ça. Sans regarder le prix, là, mais non, finalement, j'ai laissé tomber. Ouais. J'ai laissé tomber. C'était un bon match? Non. Non, bon. Non, c'était ça finit 1-1. Ah. Puis comme j'aime bien le dire, c'est un match nul. Ouais. Non, j'ai pas trouvé que c'était super. C'était très le fun, mais tu sais, c'était pas un match exceptionnel. T'étais pas là pour le sport, t'étais là pour être en game, boire le bien. Ben non, on était là pour voir la game, c'est juste que ça a pas. Il y a pas eu vraiment de mouvement dans ce match. C'est bien triste. Ben oui. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis sinon, ben. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? C'est pas mal tout. Ouais. C'est bien. Oui. C'est cool. C'est assez. Oui. On écoutait un petit peu de Cheesecake Ninja. C'est quoi ça? C'est un groupe de musique. Okay. Qui a failli faire les premières parties de Rouge Pompier l'année passée. Où se sont recachés? Où se sont recachés, mais finalement, le drummer avait une première partie au Centre Bell. Ouais. Mais justement, parler des soirées cachées, il y en a une qui s'en vient mercredi, n'est-ce pas? Oh, wow, Mathieu, quel lien! Je sais bien, je suis de même. Oui, mercredi prochain, donc. Le 16. Le 16, merci. Ça aura lieu au 10-12 de l'UQTR. Mais un 10-12 modifié. Changer. Transformé, oui. Oui, monsieur. Puis ça va être vraiment bon. Cool. Tu peux pas dire plus d'indices que ça, mais j'ai lu sur Facebook que ça va être funky electro-pop. Oui. Style, genre que tu peux pas manquer ça. T'sais. Non, puis je te dirais que c'est dans le top 40 Billboard des palmarès, c'est fou. Le Billboard, mais comment est-ce qu'on pourrait appeler ça un Billboard, là, c'est fou, hein? Le Billboard, B-O-R-E-D. Billboard, je sais pas. On y pense et on vous revient là-dessus. Parfait. On vous trouve un autre nom pour le Billboard. Ben oui, il est dans le top 40 des palmarès de cette semaine. Il regarde dans le franco ou dans l'anglo, on sait pas. Je te dirais qu'il est dans le top 4. Top 40 franco ou anglo. Ben okay. C'est ça. Ben c'est ça, parce que le top 20 franco, top 20 anglo, c'est dans le top 40. Oh, Colin. Peut-être qu'un jour, on tombera dessus, mais pour l'instant, on va écouter Haim. C'est certainement pas ça, parce que c'est sur le Billboard, littéralement américain, mais des radios peut-être pas commerciales, en tout cas, oui. Disons que c'est commercial partout, sauf ici. Mais nous, on les aime beaucoup. C'est Haim sur l'album Days Are Gone. Voici Falling. Non, pas celle-là, c'est l'autre ici. C'est celui-ci. C'est pas pareil, hein? Non. C'est ça ici. On sait que c'est pas on a créé un monstre. Ils ont déjà été au soir caché. Non? Oui? Oui. C'est pas eux autres. Il a sorti un nouvel album. Nothing's gonna wake me now, 'cause I'm a slave to the sound. And they're calling, don't stop, no, I'll never give up, and I'll never look back. Just hold your head up, and if it gets rough, it's time to get rough. They keep saying, don't stop, no, it's never enough. I'll never look back, never give up, and if it gets rough, it's time to get rough. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, oh. Now I'm going down. Scream et Falling. Au retour, son foutu palmarès, puis on essaie des affaires avec JP. Ça va être, ça va être fun. Ça va être fun. Restez là. Dans tes oreilles, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis, ce lundi 14 avril 2014. Il est JP. Et il est Mathieu. Oui. Mathieu. Mathieu. C'est votre émission matinale en pièces détachées. On a bien du plaisir ensemble dans ce petit lundi matin. Et Jean-Philippe, j'entends dire que tu as une trouvaille pour nous, une découverte, un point fort, un point marquant probablement de l'histoire d'Assemblage Requis. Faut s'attendre à quelque chose de bon. Oui. On s'en vient vers les 700 épisodes. Très bientôt, on arrive au 700e cette semaine. Oui. Et ça va être un des moments forts, j'imagine, de ce semaine. Un moment clé. Clé, un moment clé. Oui, un moment clé. Voilà. Écoute Mathieu, je suis tombé par hasard là-dessus. Je crois que c'était une application gratuite of the day, là, okay. De la journée. De la journée. Est-ce que vous comprenez? I understand. Ok, parfait. Ça s'appelle Autorap. Okay. Et puis, voilà. Tu sais, je fais, ok, Autorap, une application gratuite. On va essayer ça. Et puis, j'ai le goût de l'essayer avec toi, Mathieu, cette nouvelle application qui est supposée de faire de ce que je dis un rap. Un rap. Ouais. Pas un rap battle, mais un rap. Écoute, peut-être que si on en fait un chacun, ça pourrait marcher. On a chacun son application. C'est juste un fil pour en faire un concert. Oui. Donc, c'est quoi tu vas faire? Genre, je te montre. Oui, ben écoute, mon micro, tout simplement. Là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler comme ça, peut-être avec un peu plus de style, parce que je vais essayer de faire fitter ça un petit peu pour le bien de l'humanité. La cause, pour la cause. Oui, c'est ça. Et puis après ça, quand je vais avoir fini, tout simplement, la chanson va... Ben, en fait, ce que j'ai dit va partir en rap. OK. Wow, bon. Donc, on va baisser la trame. Oui, c'est ça. Et monter puis, le volume de ton iPhone. Ce que j'ai fait, Mathieu, c'est ça. Ben là, je vais le parler comme ça, puis après ça va partir. Parce que tu parles dans le micro du iPhone. Oui, c'est ça. Puis dans le micro du studio. Non. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai fait un rap avec les informations d'assemblage requis. T'as copié-collé ça du blog? Non. Je viens de les taper dans BlocNotes. Dans BlocNotes. Probablement l'application que... C'est-tu une application? Oui, c'est un logiciel, en fait. C'est un logiciel. Un logiciel que j'avais pas ouvert depuis potentiellement au moins 10 ans. Ah, sans blague. Je m'en sors tous les jours. Ah oui, pour de vrai? Ben oui, BlocNotes. C'est le même. Bon. Donc, tu as écrit ton texte, tu vas le lire dans ça, puis on va t'écouter. Je vais juste me faire un trémolo. OK, vas-y. OK, regarde-moi bien aller. Donc, je fais... Assemblage requis, c'est tous les matins. Lundi, mardi, c'est avec JP. Mercredi et jeudi, c'est avec Stéphanie. Tous les jours, ils font des folies. Oui, c'est assemblage requis. Ils ont aussi des chroniqueurs qui aiment parler avec leur cœur. C'est de 6h30 à 9h30. Et c'est toujours en direct à partir de 7h30. Oui, oui, assemblage requis. Écoute ça, Mathieu. Là, ça load. C'est parti. Oh, attends un peu. Je te le repars. Le fil est pas bien aussi. Oui. Ah. Assemblage requis, c'est tous les matins. Lundi, mardi, c'est avec JP. Mercredi et jeudi, c'est avec Stéphanie. Tous les jours, ils font des folies. Oui, c'est assemblage requis. Ils ont des chroniqueurs qui aiment parler avec leur cœur. C'est de 6h30 à 9h30. Et c'est toujours en direct à partir de 7h30. Oui, assemblage requis, Assemblage requis, c'est tous les matins. Lundi, mardi, c'est avec JP. Mercredi et jeudi, c'est avec Stéphanie. Tous les jours, ils font des folies. Oui, c'est assemblage requis. Ils ont des chroniqueurs qui aiment parler avec leur cœur. C'est de 6h30 à 9h30. Et c'est toujours en direct à partir de 7h30. Oui, assemblage requis, Assemblage requis, c'est tous les matins. Lundi, mardi, c'est avec qui? Mercredi et jeudi, c'est avec Stéphanie. Tous les jours, ils font des folies. Oui, c'est assemblage requis. Ils ont des chroniqueurs qui aiment parler avec leur cœur. C'est 9h30. C'est toujours en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Wow! JP. Ouais, j'ai fait ça pour toi, Mathieu. Un artiste. Oui, un artiste d'ici. C'est génial. Oui, on encourage le matériel local ici, bien sûr. Oui. Donc, c'était ton rap d'assemblage Ricky. Oui. J'ai envie d'en faire un, moi aussi. Oui, t'as envie? Tantôt. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que là, c'est la chanson, c'est celle qui est gratuite. OK. Sauf que tu peux en avoir d'autres si tu payes. Sauf que si tu regardes une pub, t'en as une gratuite. Ah, yeah, OK. Donc, okay. On va se trouver un beat ensemble, si tu veux, de rap. Et puis, tu pourras en faire une pour le bien de la cause. On écoute une chanson avant ça, puis on prépare ça par la chanson, ça te va? Oui, c'est bon. Puis cool. Nous, on choisira laquelle que tu veux rapper dessus. Parfait. Pendant ce temps-là, on va écouter des vrais rappers. Voici Radio Radio. C'est chez The Beige. Je dis pas que t'es pas un vrai rappeur. Ben, écoute, j'ai une reprise. Une reprise. Oui. C'est archivé, ça? Ouais, ouais. Trois mois, ça a été archivé. Oui, oui. C'est ma couleur, puis je vais porter du beige. La couleur, c'est beige. Avec mes 50 shades à beige. Sauf j'aime la wig ton beige. Pop avec un nouveau tank top. Ça, c'est nice. Ça, c'est hot. Du khaki, c'est khaki. Avec un two-tone version. Du beige, c'est beige. C'est comme un nouveau gris. Happy gris, tu sais, c'est comme beige. Je vais mon beige. Swear to nothing better. Du beige, c'est beige. C'est comme un bucket sur stage. Porter du beige. Tu vois la vie en rose. Je vois la vie en beige. So beige. Bixi, bicyclette avec des roues en beige. Et des dimons qu'on se supporte. Quand c'est fil plutôt beige. Je suis comme beige. C'est ma couleur. Puis je vais porter du beige. 50 shades of beige. 50 shades of beige. Out of toutes les couleurs du rainbow. Ben moi je pique la couleur beige. 50 shades of beige. Je fais une 50 shades of beige. Je fais que 50 shades of beige. Je fais une 50 shades of beige. Fifty shades of beige. So say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. Say it with me, moi j'suis beige. Moi j'vais aller porter du beige. Hey, j'ai la happy gris, slide passant pour la vie. C'est que j'pense à ça que j'dis, pas besoin de jubilee. Beige c'est le Pantone, ça qui me jette à la zone. Cool up, it's a king, cool up beige, t'es mon trompe. Never mind, I'm black on black, nous c'est le beige. Le beige en beige, oui le beige en beige. Bright beige, light beige. So dis-moi qu'on supporte quand je suis fille du tout beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. 50 shades of beige, je fais 50 shades of beige. Je suis comme beige, c'est ma couleur, so je vais porter du beige. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur du no age. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur que je porte sur stage. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est la couleur ma Facebook page. Beige don't age, beige don't age. Beige c'est ma couleur puis la couleur don't age. Du beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's beige out. Cause que je feel in it beige. Il faut que tu beige pour te rendre mit beige. C'est ça que beige, part du beige. Suck it best, c'est ça que beige. Beige in, beige out. Faut que tu beige it all about. Beige in, beige out. Faut que tu beige it all about. Let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, let's feel, out, cause you're feeling it bad. You put the best, put it on the mid best. It's suck it best, best. Rainbow beige, rainbow beige, beige la couleur du new age. Rainbow beige, rainbow beige, 50 shades of beige. 50 Shades of Beige par Radio Radio sur l'album Phil Zoo, deuxième extrait de cet album-là. Oui, monsieur. Oh, madame, madame. Et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Vous êtes toujours Assemblage Rocky. Tantôt, on a fait un petit rap. En fait, JP. JP. Vous avez fait un petit rap improvisé sur Assemblage Rocky, à cause horaire et tout ça. Tout ça. Ben oui, ben oui. C'était bien le fun. Je vais faire la même chose. Ça te tente-tu? Je pense qu'on s'est trouvé une chanson, un petit beat très approprié. Oui, c'est ça. Écoute, je suis juste en train d'essayer de la retrouver parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, un petit instant. C'est pas grave. Moi, je pense que je vais y aller plus axé sur le contenu de l'émission. Tout aller sur la case horaire, sur quand, qui anime, les coulisses de l'émission, les faits. Oui. Moi, je vais y aller sur le contenu, ce qu'on a à offrir comme matériel. Comme ah, Mathieu, je viens de me rendre compte que c'est en ordre alphabétique. Ah, ben oui. Tout simplement. Tout simplement. C'est sabotage hein, qu'on voit. Oui. Donc, ça prépare. Un instant. Donc, oui, c'est ça. Donc, déjà, on a un cue. Un petit cue, un titre de chanson. C'est peut-être pas ce que ça veut dire nécessairement. Non, hein? C'est ça. Je te passe... Tu passes ça, puis faut que tu me passes le fil aussi. Oui, pas. Donc je te passe comme ça. Hop. Merci beaucoup. Donc c'est juste un... T'as pas à tenir le bouton, Mathieu. OK. Hop. Attention, on va se déplacer pendant en temps réel comme ça. Attention. Donc, on vit quelque chose ensemble. Mais ça qu'on vit quelque chose. Donc, il faut l'enfoncer vraiment. Oui, vraiment bien. Puis que quand t'auras fini, il va falloir que tu rappuies dessus, tu le tiendras connecté. J'ai quasiment envie d'enlever ton case. Oui, tu peux faire ça. Ça te dérange pas trop? Non, vas-y. Tu peux sûrement l'éteindre comme ça. Tiens. C'est ça. Parce que je le connais, c'est le même case que moi. Oui. Bref, on perd bien du temps là-dessus, mais vous allez voir que ça va valoir la peine. Hein? Là, tu l'ouvres. Mon code, c'est 5200. Je pensais pas que ça allait faire ça. Moi, j'ai pas de code. Okay. C'est ça? Mon code? Non, c'est pas ça. Colin. Colin, GP. Ah, c'est 5800, excuse-moi. T'as pas besoin de la répéter, c'était pas ça. C'était pas ça. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai un mot de passe, pour de vrai. Tout le monde met l'emploi tout le temps. Donc, c'est ça. Je veux dire, comme on dit tout le temps à nos chroniqueurs, ouais. Parle bien à tes deux micros. Dans les deux micros, parfait. Okay. Est-ce que je suis prêt? OK. Je vais baisser mon fond aussi. Okay. Ouais. Attention, dans les deux micros. Assemblage requis, c'est pas une chronique, c'est du contenu, ça existe, mais ça devrait pas. Mais c'est le bloc pub, c'est les instructions d'assemblage, c'est un fait, des histoires pas de punch, JP raconte des blagues plates, puis moi je suis là, puis je réagis, puis je fais des jeux de mots de marde, mais les gens m'aiment ça, puis c'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes, assemblage requis, même quand c'est pas ta fête, t'aimes ça parce que c'est comme une célébration, good time, come on, yeah, c'est un fait, kick et sexy time, le poste d'écoute, écoutons la don, la chanson, puis tout ça, c'est assemblage requis, yeah! Voilà, donc là, tu peux tenir le piton comme il faut, il devrait se préparer. Quand même, attends un peu. Oh, c'est parti. Je peux parler dans le micro au début du truc, j'espère que ça devrait. On va voir. Wow! Très vite. Hey, d'après moi. Attends un peu. C'est peut-être un mauvais choix de chanson. Peut-être, hein? Wow! Mais c'est donc bien mauvais, celle-là! Ouais, celui-là Non, c'est qu'on peut pas en faire d'autres en plus parce qu'on n'a pas... Oui, j'en ai écouté deux. Tu peux l'essayer avec une autre chanson si okay. Tu veux. Mais je vais aller au hasard, OK? Oui. Attends un peu. Essaie de parler moins vite. Moi, c'est ça. Ouais. OK. Puis fais des pauses. Moi en l'essayant, là, okay. Fais des pauses entre tes phrases. Okay. Comme ça, lui, il va pouvoir faire des il trouve les phrases. OK, on va y aller avec du Lil Wayne, tiens. OK. Ça de la loi, ça, du Lil Wayne? Parfait. Confirmé? Oui, confirme. OK. Est-ce que t'as sélectionné, moi? Ouais. OK. Vas-tu me faire jouer le beat au complet? Ouais, attends un peu. Ah oui, c'est parce qu'il est en train de. Il est en train de se préparer. Il réfléchit, mais ouais, ça donne un avant-goût de la pièce. Là. Ouais, quand même. Fait que ça, tu vas pouvoir. Ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir préparer ton flow. OK. Il y a des faits en plus, t'as-tu vu un rap fact? Ah oui, OK. Chaque rap fact est vrai sauf celui-ci. OK. C'est un fait, ça. C'est ça? C'est ça qui est marqué. Chaque rap fact est vrai sauf celui-ci. J'aime ça. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Mm-hmm. Ouais, en tout cas. Puis, c'est ça. Fait qu'une petite application que j'ai trouvée comme ça par les plus grands des hasards. Là. Ben de l'agrément. Ouais, ouais. C'est comment ça s'appelle déjà? Auto-rap. Auto-rap. Pas trop ouais, compliqué. Puis ça s'écrit en un mot. C'est ça. Ouais, ouais. Ça réfléchit longtemps, cette affaire-là, d'après moi. C'est... Ben oui, ça se peut. Peut-être que tu cherches, t'es allé dans une vieille toune qui avait été mise dans le placard. Peut-être. Hein. Peut-être. En tout cas. Ah, ouais, sinon... Un peu long. Bon, bref. On va la mettre de côté. Oui, c'est ça. On y reviendra. C'est ça. On en a tout le temps aujourd'hui qu'on veut. Mais de toute façon, tu sais mon code maintenant. Oui, c'est... oui, parce que t'as vraiment eu besoin de le répéter en ondes. Oui, c'est ça. C'était vraiment pertinent. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Et tantôt, je vous avais averti au préalable, parce que je voulais pas prendre personne par surprise trop. Mais on va faire son foutu palmarès. Tantôt. OK. Avec une liste. Parfait. Plusieurs listes, en fait, de choses. Et ça va être bien fun. Même que je pense qu'on pourrait commencer ça là, si ça te dérange pas. Ah, bah, OK, allons-y. Moi, je pense que ce serait cool. On a besoin d'un crayon, on a besoin d'un papier, on a besoin de ses bonnes idées et de suivre la conversation. Voici son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa liste. Ça va pas? Ça va pas? Ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Voyons. Je parle de ça en onde. Hey! C'est son foutu palmarès, la chronique où on vous donne une liste de faits. Pas des faits, parce que c'est un fait. On essaie de distinguer nos chroniques qui sont déjà très, très distinguées. Tout habillé en complet cravate. Et on commence cette fois-ci sur une liste des prédécesseurs de la toilette, Jean-Philippe. OK. Ouais, donc l'humanité a toujours eu besoin d'une façon de disposer hein, de ses besoins. Ben oui, c'est bien clair, il faut bien que ça aille en quelque part. À travers le temps, les gens avaient tendance à jeter leurs besoins par les fenêtres, OK? Envoyer ça dans les conduits d'eau, ou laisser ça dans un trou au bout du village où personne n'allait. C'était la tradition dans ce temps-là. Mais une fois de temps en temps, il y avait des versions plus pratiques et moins dégoûtantes des options qui arrivaient. Tu sais, Mathieu, c'est là le golf, quand tu cries « fort », je sais pas si je l'assume au complet. Je sais pas. C'est quand ils jetaient leurs besoins par les fenêtres, ils criaient « Fart! Fart comme un pet! » Oui, les singes aussi sont bien fans de ça. Ils crient ça tout le temps aussi. « Fart! » quand ils lancent du caca de leur... C'est les singes qui font ça. Oui. Je sais pas si je l'assumerais au complet, celle-là. Ben, moi, en tout cas, je l'assumerais pas. OK. Je ferais comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Je pense que une application qui est auto-GP. Auto-GP. Auto-GP. Sur iPhone et iOS. Donc, première méthode, première solution, c'était le grand drain. The Great Drain. C'est à la place des Great Grains, on avait les Great Drain. C'était en Rome antique. Les gens n'utilisaient pas les toilettes publiques qui étaient disponibles à cette époque-là, mais en fait, ils les utilisaient pas tous. C'était à la maison, c'était toujours beaucoup plus pratique de le faire dans un pot et de lancer le contenu du pot à travers ta fenêtre. Hein? Bah, c'est ça. En bas de ta fenêtre. la pratique était moins dérangeante à Rome qu'à plusieurs autres endroits parce que la rue était placée en angle pour que les déchets tombent naturellement dans un conduit d'eau qui était amené vers le grand drain, qui était un conduit d'eau qui était constamment en train de fonctionner, qui lavait la ville en temps réel. Donc, les toilettes publiques étaient communautaires, communale, hein, a été ouverte à tous aux hommes, aux femmes de tous âges. Il y avait des éponges qui étaient à côté de toi et tu pouvais constamment donc t'essuyer et passer ça dans le conduit d'eau, dans le stream, comme on l'appelle, ce qui permettait aux Romains donc de nettoyer leurs affaires, lancer l'éponge dans le grand drain. Voilà. Ensuite, numéro 2 des prédécesseurs de la toilette, c'était le garde-robe. Garde-robe, en anglais, garde-robe, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelait. Donc, c'était un peu tu sais, dans les films Disney, genre les princesses, là, mettons. Mais on s'attend, dans le fond, dans ce temps-là, il y avait sûrement les princesses à se soulager dans un trou qui était sur le côté du château et qui se rendait jusqu'au sol en bas. Donc, garde-robe, qui peut aussi vouloir dire, bon, un garde-robe en français, on sait ce que ça veut dire, un garde-robe en anglais, on nous précise ce que ça veut dire, un garde-robe. Et souvent, ça faisait les deux fonctions en même temps parce qu'on croyait que l'odeur tout ça allait tuer les mythes. Okay. Dans le garde-robe. Donc, on faisait ces besoins là. C'est beau, ces croyances populaires. C'est ça. Une superbe chute sur le côté d'un château. Ensuite, numéro 3, c'est le closed stool. Tu te demandais peut-être pourquoi les médecins en anglais appelaient ça un stool sample, un échantillon de sel. On appelle ça stool. Stool qui veut aussi dire un banc. Donc, sel, banc, sel, tu sais. Sel comme un cheval. C'est ça, t'étais assis. Bref, le closed stool, qu'on appelait aussi night stool, c'était un petit pot. Avec un joli siège super bling-bling, tout bien décoré. Et donc, les closed tools, c'était une option hygiénique. Tu pouvais fermer le couvercle et ça enlevait l'évidence de ce que tu avais commis. Ben oui. Jusqu'à ce qu'un serviteur, un servant, vienne le ramasser pour s'en débarrasser. Ensuite, en France, on utilise toujours l'expression WC oui. Pour une toilette. C'est water closet, tu savais ça? Ah non! Water closet, qui était la première méthode utilisée pour flusher les toilettes. OK. Tirer la chasse. Donc, c'était une méthode tout à fait civilisée. Ça offrait le plus de distance entre tes besoins et ta personne. Hein? Donc, c'est ça. L'eau tombait d'un truc par force de gravité. Et il y avait des courbes dans les tuyaux pour empêcher le blocage et puis ça empêchait le tout de remonter à travers le tuyau, donc par la gravité. Où est-ce que les tuyaux menaient? Ben, ça a pris plusieurs années pour vraiment trouver la bonne façon. Ben, pour trouver la bonne façon, okay. En fait, pour le faire. Les water closets, étaient arrivés avant les traitements d'eau. Donc souvent, les tuyaux menaient directement vers l'eau qu'on buvait. Donc, c'est ça. Water supplies directement vers tout ça. Ça venait tout au même endroit. Donc, on n'appelait pas ça une salle de bain à l'époque parce que ton bain n'était pas dans la même pièce. Mm-hmm. À la place, plusieurs toilettes étaient dans des garde-robes qui avaient été remodelées. Donc, changées pour devenir des water closets avec juste assez de place pour faire tes besoins. Donc, c'est vraiment tout petit, comme un garde-robe finalement aujourd'hui. Une bécosse. Une bécosse, mais intérieure. Ouais. Ensuite, numéro 5 des prédécesseurs des toilettes, le Earth Closet. Donc, l'homme qui a inventé le Earth Closet, Henry Moule, hein, pensait que les Water Closets, les WC et les bécosses extérieures étaient une abomination qui n'était pas naturelle, selon lui. Donc, il est devenu tellement dégoûté par ces bécosses qu'il a complètement, on dit pas avec quoi, mais il l'a rempli, il l'a bloqué. Il a demandé à sa famille d'utiliser des seaux à la place. Les contenus des seaux étaient enterrés et il a réalisé que en quelques mois, les déchets humains devenaient étaient impossibles à distinguer de la terre qu'il y avait autour. Donc, il a créé ce qu'on appelle la Earth Toilet. Donc, après l'utilisation, il y avait un système qui laissait tomber une pile de cendres ou de terre dans le pot à l'intérieur de ta toilette, dans le fond, du siège, ce qui couvrait les odeurs et le visuel, évidemment, jusqu'à temps qu'on amène ça pour les faire enterrer. Il disait que les excréments mélangés avec la terre, ça donnait quelque chose qui pouvait être séché et réutilisé 25 fois de suite sans devenir gênant pour l'œil ou pour le nez. Ah ouais. Donc, l'invention était raisonnable, une façon sanitaire pour l'époque, mais éventuellement, la façon nettoyée avec de l'eau a gagné. Et finalement, ce qu'on appelle la pig toilet. Pig toilet qui était utilisée en Chine à l'époque et qu'on peut toujours trouver en ce moment dans certaines provinces de Chine. L'idée de base, c'est que la personne va faire ses besoins dans la place où les cochons boivent. Ah, OK. Et mangent. Donc, les cochons mangent absolument n'importe quoi. Donc, on considérait ça comme une solution sanitaire. On faisait ses besoins directement dans l'endroit où les cochons mangeaient. Et les cochons, ben, mangeaient tes excréments. Voilà. Eh ben. C'était super. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon déjeuner. Bon déjeuner. Voilà pour cette première partie. Il nous reste encore trois autres Son Foutu Palmarès, mais là, t'as refait et on est dû pour une pause. Donc, on s'en va entendre Kaiser Chiefs. Des petits pains. Des petits pains. Des petits pains Kaiser Chiefs. Mioum, mioum. The Factory Gates. Puis après ça, ben, plus de Son Foutu Palmarès. Yes, sir. Straight to the company store. retour. Plus de son foot palmarès et le quiz. Écoutons la dans la chanson. Yay! Yeah. Yeah. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. C'est l'émission matinale en pièces détachées. On a eu bien du fun tantôt avec des discussions sur les excréments. Hein? Ben oui. Ça cause des émois partout, là. Les gens s'attendaient pas à ça, je pense. Non. Puis ouais. Émoi dans tout ça. Émoi. C'est drôle. C'est drôle. Tantôt, le top des publicités d'Internet, okay. Dans le temps, tu sais, avant qu'Internet arrive, ou en tout cas quand ça a commencé, les gens, il fallait les convaincre d'aller sur Internet. Donc, on va faire un petit top, genre maintenant. Donc, la suite de Son foutu palmarès. C'est Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste. C'est la deuxième partie pour aujourd'hui. Et commençons donc avec ce palmarès d'Internet. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, mais les gens n'avaient pas entendu parler de l'Internet au début des années 90. T'sais. Inter quoi? Internet! Ah! Mm-hmm. Des publicités vintage qu'on a retrouvées récemment sur le World Wide Web, des fournisseurs d'accès Internet dans le temps. C'est grâce à WiredReread.com qui est un site qui met en vedette des scans, donc on a numérisé des pages du magazine Wired, okay. De ce temps-là. Et donc, les voici. La première, c'est une publicité avec une fille avec son manteau de jeans qui est à côté, le coude sur sa voiture, et qui dit, mettons que je passe pas mon temps sur les forums de tricot, tu sais, mettons. Oh. C'est sa phrase qui dit ça. Donc, c'est Lonnie, qu'on voit sur la publicité, qui va sur le chat de Prodigy le mercredi à 21h37. OK. C'est ce que ça dit. Tu peux avoir 10 heures d'Internet avec le logiciel gratuit et un mois d'essai en appelant le 1-800-PRODIGY extension 753. C'est comme ça qu'on nous vendait ça en 1995. Ensuite, One Free Call Gets It All. C'est la World Wrestling Federation. C'est la WWF sur America Online. Donc, un appel pour tout avoir gratuitement. C'est 50 heures avec le logiciel 3.0 en appelant le 1-800-445-9933. Donc, on montre évidemment sur la publicité une fille de la WWF. Super, des gros seins. Oui. Et beaucoup de maquillage et des cheveux crêpés. Donc, on avait accès à la WWF sur America Online, qui était « The hottest place in cyberspace ». L'endroit le plus chaud du cyberespace. Ensuite, Zip for a faster tax refund, click send. Donc, on voit deux gars, deux hommes d'affaires. Oui, assis au bureau. Très proches. Très, très, très, très proches l'un de l'autre. Et on vous dit de faire vos impôts en ligne. Hein? Deux collègues pouvaient facilement créer des liens d'amitié en faisant leur retour d'impôts dans cette publicité de 1999 sur irs.ustrious.gov. Wow. Click Zip fast round trip. Donc, cliquez, zippez, et le voyage aller-retour se fait instantané. Ouais. Voilà. Ensuite, Get Flat. C'est l'accès Internet illimité et l'accès web pour seulement 60 cents par jour. 14 jours gratuits via Pipeline USA. Hein? Donc, Pipeline USA, une publicité de 1995. On disait, ce qui était original à l'époque, c'est qu'il y avait un prix, 60 cents par jour, un prix flat. Donc, un seul prix pour tout le monde. Okay. Et non pas payé à l'heure, ce qui était commun à ce moment-là. Uh-huh. On payait à l'heure pour aller sur Internet. Donc, ici, on voit une tête écrasée pour vendre Internet. Je sais pas si c'est si bon que ça. Hein? Non, C'est différent. Différent un peu. Ensuite, la prochaine, c'est pour ça qu'on fait des modems. Hein? C'est par la compagnie Motorola qui fabriquait des modems pour ordinateur. Et on avait deux colonnes. Sur la colonne de gauche, c'est votre PC. Donc, on dit ouverture de fichier, aller chercher un document, imprimer le document, fermer le fichier. C'est tout ce qu'on pouvait faire avec un PC. C'est tout. Ouais. C'est tout. Et pensez pas qu'il y avait plus d'affaires à faire. Il n'y avait rien qu'ils disent. Votre PC avec un modem Motorola. Donc, on ouvre le fichier, on joue au golf électronique, on lit les bandes dessinées du LA Times, on fait le mot croisé du New York Times, on achète des Chia Pets, on envoie un courriel à Emily, on envoie des fonds, on achète des indices en bourse, on renouvelle un livre de bibliothèque, etc. On crée les reçus, on fait nos impôts, on commande 15 pizzas, on joue au poker et on ferme le fichier. Voilà. Tout ça sur un fond des plus psychédéliques. Laissant une face de personne à l'endroit ou à l'envers, on ne sait plus, mais il sort des affaires de l'ordinateur, je sais pas. On a des spaghettis ou des cerveaux. Oui. oui, on dirait vraiment ça. Donc, c'est une publicité pour Motorola qui n'avait pas prévu les réseaux sociaux, etc., etc., mais quand même avait vu juste sur la plupart des choses qu'on fait en ce moment sur Internet. Maintenant, Get the Most Out of It. Donc, on voit ici un jeune garçon roux à l'ordinateur. Roux, juste pour vous imaginer la chose et non pas pour parler contre lui. Donc, il y a un petit garçon devant son clavier avec ses parents en arrière-plan avec, bon, qui est en train de lire le journal. Avec un chapeau. Avec un chapeau de cowboy, on dirait. Donc, ça dit en dessous, hier soir, CompuServe va changer l'ordinateur en agent de voyage pour Jenny, en analyste boursier pour Ralph et maintenant, ça envoie Herbie dans une autre galaxie. On peut s'imaginer qu'il est en train de jouer à un jeu vidéo. Mais c'est encore pour ceux qui utilisent Internet aujourd'hui, pour agences de voyage, etc., indices boursiers. Ça voit juste. 1983, ça, Mathieu. Exactement. C'est très, très, très vieux, 1983. Mais bon, ça existait à l'époque. Peut-être pas Internet comme on le connaît aujourd'hui, mais un ancêtre. Ensuite, bienvenue à demain, ou à un jour, en fait. Welcome to someday. On imagine un couple, en tout cas, on peut s'imaginer que c'est un couple, dans une pièce complètement blanche, hein, dans le futur, donc tout est blanc. Comme chez Marie-Lou. Il n'y a plus de couleur comme chez Marie-Lou. C'est un petit smoothie. Ben oui. Donc, il y a un ordinateur sur la table du salon. Et puis, il regarde un graphique. Il regarde un graphique en couleur. Oui. Donc, ça nous dit un jour, attends un peu, qu'est-ce que ça dit? Le texte est tellement écrit petit. Un jour est aujourd'hui, grâce au service d'information de CompuServe. CompuServe est disponible via un appel téléphone dans la plupart des villes américaines et vous connecte à n'importe quelle marque de n'importe quel ordinateur de terminal vers nos grandes bases de données, etc. Donc, c'est le monde de demain aujourd'hui, en 1982, où on croyait que le monde était blanc. Est-ce que tu as lu aussi en haut? C'est marqué « Un jour, ah oui, dans le confort de ta maison, tu vas être capable de magasiner, hein, d'aller à la banque. » Lire instantanément les nouvelles du jour, analyser la performance d'un indice boursier qui vous intéresse et envoyer du courrier électronique partout dans le pays. Dans le pays! Dans le pays! Oui. Ils se sont limités au pays. Puis après ça, jouer une petite partie de bridge. Avec trois étrangers à LA, Chicago et Dallas. C'est ça. C'est vraiment international dans ton propre pays. T'sais. Oui, oui, vraiment. C'est national, si on veut. Wow, j'aime beaucoup celle-là. J'avoue que le texte en haut était pas mal plus intéressant que celui d'en bas. Le huitième, c'est une avancée technologique qui a besoin de plus longues explications. Donc, ça nous dit, la publicité montre une roche avec un trou à l'intérieur, un peu comme genre un bang. La roue. Ouais, ouais, je pense qu'on a inventé la roue, mais ici, on a inventé le bang aussi, à l'époque. Je préférais le bang. Donc, certaines découvertes ou avancées historiques ont besoin de plus d'explications que les autres, comme CompuServe. Et là, la publicité est composée majoritairement de textes qui explique vraiment ce qu'est Internet. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas, donc on a pris plus la position de « on devrait t'expliquer ça en long et en large à la place de te faire du fla-fla comme le futur est aujourd'hui. » Donc, c'est en 1986 qu'on a besoin d'autant d'explications. Évidemment, il n'y avait pas encore de vidéo de chat, donc on n'a pas eu à expliquer ça. ensuite, les gens sont des gens comme nous. Tiens, voilà. Donc, c'est le slogan dit « Interactive Goddesses Like Us », des déesses interactives comme nous. Et puis là, donc, on est dans l'ordinateur portatif. Oui, le portable. Et on voit des gens autour d'une fille assise sur une chaise léopard. Donc, il y a un gars avec une bouteille de vin, ou de bière, quelque chose comme ça. Un genre de moteur. T'as un gars qui joue de l'accordéon. T'as un autre qui lui sert des raisins et qui a un bâton, un cue de pool cue. Pool cue de billard. Une queue de billard. Une queue de billard, exactement. Dans sa main. Et tout ça en noir et blanc. Et c'est pour annoncer GeoCities. Publicité qui est sortie en 97, tu te rappelles, Justice, c'était les pages web avec tout plein de sons qui jouaient tout seul, des gifs animés qui tournaient, etc., etc. Donc, c'était une façon facile d'avoir une page web pour toi-même sur Internet. Donc, on essaie de te vendre ça avec la nostalgie ici de Dantin. De Dantin, voilà, avec le noir et blanc. Oui. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de porte plus large. C'est la prochaine. C'est on a une publicité sur un fond vert avec un gars qui mord le fil de sa souris. On s'imagine en tout cas que c'est une souris. Ça dit « Vidéo en ligne. Entre l'Europe et l'Amérique, il n'y a pas de porte plus large. » Donc, dans le sens que tu peux visiter le monde entier à travers la grande porte qu'est Internet. C'est le concept de vidéo online, assez révolutionnaire en 1995. Même si ça allait prendre, après ça, plusieurs années avant qu'Internet puisse vraiment permettre et la technologie pour faire du vidéo en streaming. Il y avait quand même du vidéo en streaming pour les gens qui avaient une connexion à plus large bande. Large était très relatif à ce moment-là, en 95. Et tu pouvais voir du vidéo en streaming avec... dans ce service-là, vidéo online. Je sais pas de quoi ça avait l'air. C'était sûrement super pixelisé, mais quand même. C'est intéressant. Oui. Et finalement, il en reste quelques-uns. Qu'est-ce qui vous excite? C'est une publicité pour Excite. Excite qui était un portail Internet un peu comme Yahoo l'était, un paquet d'autres trucs comme ça, Lycos. Cette publicité-là parlait des intérêts de Bill Clinton, ce qui excitait Bill Clinton en 98. Évidemment, c'était avant le scandale de Monica Lewinsky. Donc, qu'est-ce qui l'intéressait? C'était, acheter, booker un voyage en raft, rafting. Acheter de la lingerie fine pour cette petite spéciale. Des produits nettoyants pour tissus, mettons, je sais pas. Il y a une de ces recherches qui, certains États approuvent le marijuana médical, quand même, c'était avant-gardiste. Comment ramasser de l'argent d'investisseurs étrangers? Et oui, en effet, ben oui, oui, j'ai pas... Je pensais que c'était une blague. Non, non, non, je n'invente rien, Mathieu. Acheter de la lingerie pour quelqu'un, la lingerie fine pour quelqu'un de spécial. Ouais. Wow! C'est un visionnaire, je pense, à l'époque. Oui, c'est ça, exactement. Il y a un long moment, voilà, et le prochain, c'est « Êtes-vous propriétaire d'un modem? Essayez America Online gratuitement, détachez ce coupon et envoyez-le par la poste. » Donc, si on se rappelle les années 90, on se rappelle d'avoir reçu un paquet de disques CD de America Online. Même au Québec, on les recevait. Oui, il y avait des publicités à la télé pour AOL. Donc, cette publicité-là qui date de 1993, un an avant qu'ils décident de présenter leur service sur CD. Donc, à la place, on devait commander soit un CD, soit une disquette via un coupon dans les magazines. Ouais. Et, ben. Et finalement, crank it up, donc télécharger de la musique et monter le volume. C'est pas vraiment une publicité en tant que telle, c'est plus un article qui nous aide de télécharger Real Audio. Donc en téléchargeant Real Audio, on pouvait écouter des stations de radio de partout dans le monde et des couvertures de matchs sportifs et des chansons thèmes de publicité à la télé. Donc c'était l'article de Technomania. C'est tout ça via, évidemment, comme j'ai dit au tout début du bloc, c'était selon Wired Reread. Allez voir wiredreread.com, là où on ressort des vieux numéros de Wired Magazine. Ben oui. Ben oui, Reread. Ben oui, Reread. Wired. Et on termine ce bloc de son foutu palmarès avec le top des choses qu'on ne retrouve plus dans les stations-service. OK. C'est très intéressant. Donc, il y a évidemment exception à chaque règle, mais la plupart du temps, les stations-service aujourd'hui ne ressemblent pas aux stations-service d'antan. D'antan. Ça ressemble plus à un dépanneur où tu vas acheter des trucs qui n'ont pas rapport avec les autres. Bon, voilà. Donc, on commence avec un mécanicien sur place. Les stations de gaz, les stations essence, avant s'appelaient des stations-service. On les appelle encore aujourd'hui comme ça en français, mais en anglais, on n'appelle plus ça vraiment service stations. C'est parce que la majorité avait au moins un emplacement avec les outils nécessaires pour faire les changements d'huile, remplacement de frein, complètement changer ou rénover le moteur. Certaines stations avaient une pancarte « Mechanic on duty » pour alerter les gens qui passaient par là, qui avaient des problèmes de mécanique, qui avaient un assistant là-bas. Il y avait de l'assistance. Ensuite, le prix à la pompe en cents. Donc, lorsque le gaz est arrivé au prix inimaginable aux États-Unis de 1$ par gallon, les propriétaires de la station devaient changer rétroactivement leur pompe avec un morceau de ruban adhésif pour montrer le prix ajouté. Donc, les pompes, à ce moment-là, avaient assez de place pour 3 chiffres par gallon, évidemment, pas par litre là-bas. Donc, les chiffres, le dernier chiffre était réservé au dixième. Mm-hmm. Donc, il a fallu qu'ils rajoutent un quatrième chiffre à l'avant. Les personnes en uniforme au garage. Donc, les pump jockeys, ce qu'on appelait les gens qui s'occupaient des pompes, étaient très bien habillés autant qu'un officier de police ou un pompier, jusqu'au beau petit chapeau et au nœud papillon. La chemise de l'uniforme avait le logo de la compagnie sur une des deux poches, sur le devant, et le nom de l'employé sur l'autre côté. Et il y avait aussi des rouleaux d'argent et de billets, de monnaie dans leur poche pour pouvoir faire de la monnaie. Eh ben, pour ce que les gens leur donnaient. Ben, les enfants voulaient travailler à la station-service à ce moment-là parce qu'il y avait l'air d'avoir tout le temps d'argent sur eux. Ben oui, ça, c'était pas la leur. C'était pas la leur. Les clochettes, évidemment, ça c'est classique. Les gros les petits tuyaux en fait de caoutchouc qui passaient sur le stationnement ou sur le pavé, sur l'asphalte des stations-service, étaient branchés à une cloche à l'intérieur de la bâtisse, du bâtiment. Et le ding-ding alerter ou sonner l'alarme pour la personne pour qu'elle puisse sortir et dire « Est-ce que je te remplis ça? » Oui, celle-là, on peut la revoir encore quelques fois. Oui, les petites stations-service ont encore ça. Celles qui sont évidemment avec service. Ben oui, il faut les chercher, celles-là. Ensuite, la maintenance de routine. Donc, c'était les personnes qui travaillaient à pomper le gaz. Il n'y avait pas juste ça à faire. Leur routine était automatique. Ils devaient vérifier en dessous du capot, donc la batterie, l'huile, etc. Ils devaient laver le pare-brise. Et chaque personne avait un gros linge à l'arrière dans leur poche pour laver le petit tuyau, le petit bâton qu'on passait dans l'huile. Ensuite, un peu comme un sommelier ferait déguster un vin, m'ont présenté le petit bâtonnet au chauffeur, au conducteur pour le faire inspecter. Puis après ça, ben, passer le squeegee avec précision et attention. Et après ça, ben, il nettoyait tout ça. Bref, c'était un expert. Il avait à le faire seulement en quelques petits mouvements. Il avait le pare-brise. Que ce soit pour 50 cents de gaz ou pour une tank au complet, on avait tout le temps le même service. Des cartes routières gratuites, on avait ça aussi. Oh. Donc, avant que les employés soient seulement des caissiers derrière une vitre par balle, on arrivait à une station-service. On pouvait demander des directions, donc vraiment demander où se situe quel endroit, tel endroit. Et la personne qui était au comptoir allait marquer l'endroit sur la carte et tu pouvais partir avec la carte gratuitement. C'est un service qu'on offrait. Il y avait un paquet de cartes gratuites à l'arrière du comptoir. Ensuite, évidemment, le gaz avec plomb. Avant 1971, les moteurs d'auto étaient équipés de ce qu'on appelle des soft valve seats. Donc, le plomb agissait comme lubrifiant pour empêcher les dommages aux pièces. À partir de 1973, par contre, l'Environmental Protection Agency a commencé à imposer des limites sur le contenu de plomb dans le gaz. Les modèles de voitures récents étaient équipés avec ce qu'on appelle un catalytic converter qui demandait absolument donc du sans plomb. C'était pour contrôler la pollution. Et puis, donc les personnes qui s'occupaient des pompes demandaient souvent aux clients avec ou sans plomb. Voilà. Voilà. Et finalement, les trucs à carte de crédit. Avant le service automatisé à la pompe où on passe juste sa carte et tout fonctionne, on pouvait quand même utiliser une carte de crédit pour acheter du gaz. La personne qui s'occupait du garage prenait ta carte. Souvent, il y avait une carte de la compagnie d'essence. Tu pouvais aller, il l'amenait à l'intérieur. Il faisait le processing de tout ça. Il ramenait le papier à l'extérieur sur un petit tray. Ils l'ont passé le cuckling, comme on, ouais, on la se rappelle. Grosse le ka-chunk du moment. On a connu ça, nous, dans notre jeunesse, un petit peu, mais pas tant que ça. Éventuellement, les stations-service sont devenues un petit peu plus high-tech. Il y avait une machine à impression manuelle portable. Donc, on pouvait faire le ka-chunk immédiatement, directement à la voiture, sans avoir à attendre. Génial. Voilà pour ce qu'on ne retrouve plus dans les garages. Je trouve ça cool. On l'a annoncé en intro. On a juste assez de temps pour le faire, Jean-Philippe. Si t'en as envie de passer directement à ça, sans plus tarder. Allons-y. Parce que c'est le moment de deviner le lien entre trois chansons qu'on va faire très, très, très, très vite. Voici Écoutons-la donc, la chanson. On n'a pas de temps à perdre aujourd'hui, Jean-Philippe, mais tu vas devoir deviner le lien entre trois chansons que je vais te jouer en rafale. T'auras même pas d'entraque pour y penser. Tu mets beaucoup de pression, Mathieu. Vraiment, mais je veux voir si t'es capable de travailler sous pression. OK, parfait. Tu sais, t'es un gars que quand tu réfléchis, tu peux te rendre proche de la réponse, mais je veux que tu fasses un trou d'un coup comme au golf. Ah! S'il te plaît. Tu m'as-tu traité de trou du coup? Donc, plus tard, il y aura Tricot Machine et Galaxy 500. On commence à l'instant. Voici Chinatown perdre son temps. Ben. Et sauter dans mon lit, direction l'Italie. avec ma litanie. Jour après jour, bon temps, mauvais temps. C'était les trois pièces qui composent le bloc Écoutons la longue chanson. Évidemment, Jean-Philippe doit deviner le lien entre les trois pièces. Qui était au début de Chinatown et Perdre son temps de l'album Cité d'Or. Ensuite, Galaxy 500, Chuck Berry avec l'album Le temps au point mort. Et finalement, Tricot Machine, Beau temps, mauvais temps sur l'album Tricot Machine. Mm-hmm. Ouais. Donc là, Mathieu, je travaille très fort, mais en même temps, j'ai pas eu ma pause habituelle. C'est vrai. J'ai pas pu aller me chercher un petit café. Un bang. un muffin. Évidemment, la réponse facile, qui, à première vue, tout le monde aurait eu, donc qui n'est pas la bonne réponse, c'est le temps. Hein, le temps qui revient, qui est dans ces trois blocs. Mm-hmm. Donc, j'ai pas tort, mais c'est pas la bonne réponse. C'est sûrement pas la bonne réponse. Puisqu'on avait Perdre son temps, Le temps au point mort, qui est le nom de l'album de Chuck Berry, et Beau temps, mauvais temps, de Tricot Machine. Donc, c'est ça. Mais c'est pas ça. T'as pas d'autre réponse que ça. Ben non, j'ai non, pas le temps. Le temps. Tu valides avec le temps? OK. C'est évidemment faux. Ben oui, évidemment, mais tu le savais d'avance. Là, je te surprends pas. Non, c'est Chinatown, Chine, China. C'est une Chine. OK. C'est une ville aussi. Tu sais, mettons le Chinatown dans une ville. C'est une ville. T'as évidemment Galaxy. Galaxy, c'est une galaxie. Ben oui. On connaît ça, une galaxie quand même. Tricot, machine. Tricot. Qui est une commune du département de l'Oise en France. Ah! C'est une ville. Ben oui, je savais. Ville, galaxie, ville. C'est Tricot. Ben oui. La ville de Tricot. C'est comme ça. C'est comme ça, Mathieu. C'est comme ça. C'est les villes. Raconte-moi ta ville! C'est ce soir, d'ailleurs, Mathieu. Ce soir, 18h, avec Chantal Carignan et David Ferron. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Pas mal ça. Je l'aurai jamais, Mathieu. Je pense pas que tu vas l'avoir. Bon. Non. Un jour, peut-être. Je vais continuer de croire en toi comme les gens continuent de croire en des affaires qui n'existent pas. Merci Mathieu. Hey! C'est tout pour Rassemblage Requis. On remercie absolument personne. Mais demain à l'émission, on aura bien sûr Marie-Laurence Audet qui va nous montrer pourquoi le loisir c'est bien plus qu'un jeu. On va parler des activités et actualités pertinentes de la GEQTR et Alexandra Carignan va ajouter de l'art à nos vies dans le temps de culture. C'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Superbe! Oui! Restez sur nos ondes. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier, comme toujours du lundi au jeudi. Ensuite, à 13h, les précieuses gélicules. 16h, à vos micros. 18h, raconte-moi ta ville. 19h, le voyage de satellite et 20h, rock de neurones. Dans quelques instants, il n'y aura pas de Steve devrait arriver. Ils font un relâche cette semaine, donc malheureusement, pas le Steve. Non, mais. Il est rarement là, de toute façon, Steve. Non, Steve, il est jamais là. Le gars Steve est jamais là. Oui, c'est ça. Les autres vont comme le copier. C'est comme il a créé la mode de pas se présenter. Ben oui, c'est ça. Mauvais pli. Ouais, mais bon. passe donc une bonne journée. Ben oui, Mathieu. Toi aussi. On se voit demain, Mathieu. Merci. Puis on se voit sur cifou.ca aussi. Oui, pour la programmation complète. Et sur assemblagerequis.com. Pour les notes de cette émission et les balado-diffusions. Et toutes les balado-diffusions. Bientôt 700, Mathieu. Bientôt 700 de nos émissions, en effet. Oui. C'est mercredi, je pense. Oh. À demain. Salut.